Selon le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, l'Alliance des citoyens pour la promesse du 16 avril et le Conseil des familles 16 avril, formation des familles des victimes de l'accident du paquebot Séoul, ont tenu le 13 juin une conférence de presse devant le siège du gouvernement à Séoul pour protester contre les autorités qui cherchent à dissimuler la vérité de la catastrophe. Par ailleurs, Légion pour la paix et la réunification et autres formations civiques et sociales ont organisé le 14 devant l'ambassade américaine à Séoul le 200e meeting anti-américain.